On s'est fait capter en flagrant délire, à déranger tout le quartier avec nos langues déliées. Derrière les fourrés, tortues de rire, d'étranges idées, histoire d'en rire, pas devant la télé. Je me décoince sur la rinx et je ressors comme le sphinx. Direction la station orbitale de la saison, autour de ma planète en pleine révolution. Évolution extraterrestre vers une nouvelle solution. Les CRS s'amènent, on se les mène sans stress et sans maladresse, on les emmène à l'ouest. Ils sont pas de notre espèce, mais on les aime quand même. C'est pas de leur faute s'ils montent pas sur scène. On n'a pas l'air con, plus personne pour nous rentrer. La nuit est à nous. Jusqu'à l'arroser, arroser comme des anonymes, rythmés par les rimes. C'est pas un crime de faire la tête jusqu'à la matinée. Flagrant délire, on n'est pas les pires. Flagrant délire, t'as pas quelque chose pour nous faire rire. Flagrant délire, viens, rentre dans mon délire. Ok, flagrant délire, fais pas le malin, je t'ai vu sourire. C'est un pur son délire, toi t'arrives pas à sourire, à t'ouvrir. Nettoie tes oreilles, respire. Reste pas là, tu vas t'ennuyer comme ça. Lève les bras, sois pas timide comme ça. Yo, fais de la musique ludique, on s'emmerde. Électronique, hypnotique, bref, un son merde. Un son de ouf, qui fait saturer les boomers. De plouf dans trois poufs, qui chopent en chaleur. Les gens marchent dans la rue, le regard par terre. Marcher à la baguette, je crois que ça va pas le faire. Ça se dévisage, et ça joue les faux semblants. Ça s'envisage, et puis ça se prend aussi les vents. Jamais obsède, toujours à donc sur la scène. Live dans les bars pourris, on cherche jamais scène. Des problèmes d'audition, la musique comme une mission. C'est freestyle à la maison, des conneries en munitions. Flagrant délire, on n'est pas les pires. Flagrant délire, t'as pas quelque chose pour nous faire rire. Flagrant délire, viens, rentre dans mon délire. Ok, flagrant délire, fais pas le malin, je t'ai vu sourire. Et ta tête, tu me disais que je me sais, on te fait que je me paye une taf et que je m'asseye à côté. Sors les feuilles, sors le bout, c'est l'heure du rodéo. La chevauchée sonore, la tête dans la sono. C'est la teuf, y'a des meufs, y'a de la puff, pas les keufs. J'ai payé mon délire, le meilleur du pire. L'ambiance est gore, trash, dirty. C'est la new school du rap, on n'est pas funky. Mais fuck you sur les genoux, tout partout comme des fous. Y'a du monde sur le dance floor, j'ai croisé Hachou, mais puis aussi Alpapator. On part tous mental, le tollé général. J'ai try quelques fois, j'ai trouvé ça génial. Maintenant on catch tous les flyers. Tous les week-ends, on met le fire. Flagrant délire, on n'est pas les pires. Flagrant délire, t'as pas quelque chose pour nous faire rire. Flagrant délire, viens, rentre dans mon délire. Ok, flagrant délire, fais pas le malin, je t'ai vu sourire. La recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas ?